obsessed with every lesson learned. If your knowledge were your wealth, then it would be well earned. If we were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, oh no, no, no. Keep wanna live for today. Dance, music, sex, and a little romance. Time to take a chance. When it gets slow, you move in time. Just take my hand, gonna dance all night like it's 1979. Gonna make it till the morning light and like it's 1979. Keep moving all night, 1979. Serge, quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Jazz Radio, Jazz and Soul. Jazz Radio. Jazz and Soul. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness. FM et DAB+ du réseau Jazz Radio en France et à Monaco, rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr. Jazz Radio, Jazz and Soul. Jazz Radio. Is anybody there now? Walking all day, only walking, keep on walking. Never thought I could walk alone on this road, and never thought I could find my way far from home. Can anybody hear me? I've been talking all day, only talking, simply talking. Never thought I could talk alone on this road, and never thought there were so many words inside me. Gonna get myself a new life, gonna Never thought I could find my way far from home. For many years I lived the dream. I never knew the reason why. The dream is gone, and here am I. It might be strange, but it is real. I do not wish to turn around. What matters now is what I found. I see myself, but it's not me. Embrace me now, we've made a deal. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, she's got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you'll realize why I love my sweet Lorraine. Now Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Sun, because it's in my baby's smile. Oh, and to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Oh, each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Jazz Radio, Jazz and Soul. Well, that guy who went and broke your heart, back to the basics. If you and my missus, Arabian Nights, nudity and kisses. I lay the pipe and then she'll make me do the dishes. Playing her, taking a river, which way but losing her. I keep aspiring past love for her to bruising her. Abusing her and using her, none of that with me, yo. Take your ring shopping, introduce you to my people. Judge yourself a dreamer, baby, that's our destination. It's one C, the friends call me Jason, we say. Jazz, Jazz Radio, Jazz and Soul. Sei que muitos têm na testa o deu só como um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus, a música pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Titre d'un standard, d'une nouveauté entendue sur Jazz Radio ou sur l'une des 25 web radios thématiques de Jazz Radio, rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr pour retrouver toutes les références des titres entendus. Jazz Radio, Jazz and Soul. Jazz Radio. Dès maintenant, Jazz Radio vous offre plus de 40 minutes du meilleur du jazz et de la soul. Non-stop. Jazz Radio. Jazz and soul. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love. Sweetheart to miss. Sweetheart to miss. Sugar to kiss. Sugar to kiss. Radio. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all about the boy. Jazz, Jazz Radio, Jazz and Soul. There's a million other ways, another path to keep people say, safe from harm. There's nothing else that's in our way. Hold my hand, we're safe from harm. Together's better, night or day. So take my arm. I know you know, I know you're brave. We're safe from harm. Pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. He's a tramp, I adore him, and I wish that I could travel his way. But I love him,

if you please. I must be happy. Jazz, Jazz Radio, Jazz and Soul. All your colors and hues merge into dust. One light. Landscapes always survive destruction and heartbreak. That's how it goes every time. Silver tears outnumber gruesome fears. Do you hear distant jeers? Hearts light up. Every cup. Thank you. l'univers du jazz avec jazzradio.fr. Retrouvez sur jazzradio.fr toute la programmation musicale, les agendas concerts ville par ville, les meilleures vidéos jazz and soul, les news, la sélection nouveautés et classiques de la playlist Jazz Radio, l'équipe d'animation, les derniers jeux concours, les fréquences FM et DAB+ du réseau Jazz Radio, l'horoscope du jour, un choix de plus de 25 web radios thématiques. Rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr. Jazz Radio, Jazz and Soul. Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chibum. Do do do do do, chibum chibum bum. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do. Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Jazz. Jazz Radio. Watch her so sadly. Jazz Radio. Jazz and Soul. Yeah, it's time for love. La la la la. I love you. dès maintenant tout l'univers de Jazz Radio sur votre smartphone en téléchargeant gratuitement l'application Jazz Radio pour iPhone ou Android. Vous accéderez librement au meilleur du son jazz and soul d'hier et d'aujourd'hui. Vous découvrirez plus de 25 web radios thématiques, les agendas concerts ville par ville, les dernières infos de jazz et les nouveautés de la playlist Jazz Radio. Jazz Radio, Jazz and Soul. On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer. Jazz Radio. Get out my life, woman. You don't love me no more, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes, girl. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes. Get out my life, baby. You ain't nothing but heartaches. About a pound, yeah, yeah. Get off my ladder, woman. I got to climb up to the top. Get off my ladder, darling. Man, got to climb up to the top, yeah, yeah. Get off my ladder, darling. Ain't nothing gonna make me stop. No, no, no, no. Out of my way, baby. Man, got to keep on moving on. Out of my way, baby. Man, got to keep moving on. Get out the way, darling. You just blew your happy home, yeah. Well, get out my life, baby. You don't love me no more, no. Well, get out my life, baby. You don't love me no more. Get out my life, darling. You don't love me no more. Get out my life, baby. You don't love me no more. Le meilleur du jazz et de la soul sur Jazz Radio. Jazz Radio. Bonjour et bon réveil, merci d'être avec nous sur Jazz Radio ce jeudi matin. Nous sommes le 1er février. Dans un instant, Lisa Ekdahl, Lucent et Ray Charles. Il est 6h. Jazz Radio, Jazz and Soul. Jazz Radio. Bonjour Léa Dusson. Bonjour Martin, bonjour à tous. On fait le tour de l'actu, mouvement de grève dans l'éducation nationale aujourd'hui. Et les syndicats enseignants demandent de meilleures conditions de travail et plus de rémunération. Plusieurs dizaines d'établissements scolaires vont garder les portes fermées aujourd'hui. Des manifestations sont attendues dans les rues à Paris, devant le ministère de l'éducation nationale, mais également à Marseille, à Lyon, à Toulouse ou encore à Nantes. La mobilisation des agriculteurs se poursuit également sur les routes aujourd'hui. Une centaine de blocages sont recensés en France. 91 agriculteurs ont passé la nuit en garde à vue après avoir été interpellés à Rungis hier. Les blocages se poursuivent sur l'A7 près de Lyon, aux abords d'Orange et Avignon. La circulation est toujours coupée aussi près de la capitale. Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus à Bruxelles, en Belgique, aujourd'hui pour le sommet de l'Union européenne. Nous sommes le 1er février, une date qui apporte son lot de changements, à commencer par le prix de l'électricité qui augmente aux alentours de 9%. 20 millions de ménages français sont concernés. Hausse des tarifs des péages également, plus 3% à la barrière en moyenne. Le prix du tabac poursuit aussi son envolée. Les paquets seront vendus entre 10 centimes et 1 euro plus cher selon la marque à partir de mi-février. On notera aussi la mise en place d'un processus simplifié pour le droit de succession ou encore une hausse des salaires pour les chauffeurs VTC. On passe au sport avec du football. L'OL féminin, déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, termine sur un match nul à domicile face à Prague, 2-2 hier soir. Les Lyonnaises devront attendre mardi prochain pour connaître leur prochain adversaire lors du tirage au sort. La météo sur Jazz Radio. C'est le retour de la grisaille aujourd'hui sur la quasi-totalité de la France, avec des averses attendues des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. On a du brouillard aussi sur toute la moitié ouest du pays. Seul le pourtour méditerranéen va profiter du soleil ce matin. Il fait 8 degrés à Strasbourg et Nice, 11 à Rennes. Cet après-midi, le soleil se montrera à nouveau sur les côtes de la Manche. Le temps restera bien gris ailleurs sur le territoire. On atteindra les 19 degrés à Perpignan, 11 à Limoges, 11 également à Reims, où vous nous écoutez sur le 93.7. Jazz Radio vous a présenté la météo. Jazz Radio. Eh bien, merci beaucoup, Léa Dusson. À tout à l'heure à 6h30 pour un nouveau point sur l'actu. À tout à l'heure. Et nous redémarrons, comme promis, avec Ray Charles, avec Lucent. Et tout de suite, eh bien, c'est Lisa Ekdahl. Bonjour chez vous, il est 6h03. 6h10h sur Jazz Radio, du lundi au vendredi. C'est Matin Jazz avec Martin Parker. Jazz Radio, Jazz and Soul. Baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. I give it to 12 then I'll be gone. Now baby, I'll never, 'cause I've been so good to you. Jazz Radio. All you wanna be is the darkness that I see. I don't know how to be there for me too. Cause you missed the other day. I was fine anyway. The love you have for me, yeah, isn't true. I don't wanna be yours and you can't be mine. And I don't even know myself. Everything was happy, my heart was broken, but I don't think that you understand. You know that I can be a fool for you. The way you made up all those stupid rules. You always won just so that I could lose. You know that I can be a fool for you. How many times you caught me up inside. I learned to hate myself a little more. Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue, and it's all because of you. I live on Lonely Avenue. Oh, Lonely, yes, sir. Avenue. Now you know my covers, they feel like lead. And my pillow, it feels like stone. Well, I toss and turn so every night. I'm not used to being alone. I live on a Lonely Avenue. My little girl wouldn't say I do. Since you left this town. You know if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue. You know it's all Ray Charles, juste un instant, Lonely Avenue sur Jazz Radio. Pour suivre, il y aura Diana Ross and the Supreme. Oh, ça va être bien ça. Et puis là, tout de suite, on va s'intéresser au calendrier de ce jeudi, 1er février aujourd'hui. Bonne fête aux Ella, bonne fête aux Elenita, aux Viridiana. Et puis autrefois, on fêtait les Ignace. On dit d'ailleurs qu'à la Saint-Ignace, l'eau est de glace. Notez à présent les anniversaires de quelques personnalités qui sont nées comme vous, un 1er février. On pense à Harry Styles, qui est un chanteur-comédien, fêté 30 ans. Marie-Lou Berry, 41 ans, Anne-Claire Coudray, 47 ans, Michael C. Hall, qui était l'incarnation de Dexter donc, hein, dans la série, aurait fêté 53 ans aujourd'hui. On pense à Brian Croze, lui c'était dans la série Charmed, c'était le truc de lumière là. Voilà, 55 ans, Laurent Garnier, 58 ans aujourd'hui, c'est un célèbre DJ. Stéphanie de Monaco fête ses 59 ans. On pensera aussi à Manuel Amoros, qui est un footballeur, il fête ses 62 ans aujourd'hui. Jean Roucas, imitateur humoriste, 72 ans. Puis le photographe Jean-Marie Perrier fête ses 84 ans aujourd'hui. Et puis c'était il y a assez longtemps maintenant, en 1887, un investisseur immobilier enregistre son ranch sous le nom de Hollywood. En 1903, Hollywood obtiendra le statut de ville et sera annexé à Los Angeles en 1910. Les premiers cinéastes ont adopté la région à cause de son climat et surtout parce qu'ils pouvaient travailler loin des puissants cartels de la côte Est. Et dans un instant, comme promis, Diana Ross, Supreme, Stop in the Name of Love sur Jazz Radio. Il est 6h14. Pour retrouver toutes les fréquences FM et DAB+ du réseau Jazz Radio en France et à Monaco, rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr. Jazz Radio, Jazz and Soul. Mesdames et messieurs, dernier appel pour nos offres 90 ans. Jusqu'au 1er février, découvrez nos plus beaux prix avec le rendez-vous Air France et envolez-vous pour 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple Abu Dhabi, à partir de 449 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 12 février au 30 juin 2024. Passer au vélo électrique ? Je suis partante. C'est mon budget qui n'est pas encore prêt. Alors jusqu'au 6 février chez Decathlon, pendant les soldes, le vélo de ville électrique Neomove Sinapia est à 999 € au lieu de 1849, soit 850 € de réduction. Et en plus, il vous fait profiter de 150 € en 4 bons d'achat. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année. Soldes selon date légale et dans la limite du stock disponible. Offre bon d'achat valable pour les membres du programme de fidélité Decathlon. Conditions en magasin et sur decathlon.fr. On vous écoute, mademoiselle. Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la pose est à 1 €. Ma véranda, c'est Rénoval. Point final. Conditions sur rénoval.com. On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'1 an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc. Saviez-vous que les bijoux en or 9 carats contiennent 2 fois moins d'or que les bijoux en or 18 carats? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous sont régulièrement vendus plus cher. Pour la Saint-Valentin, si vous voulez offrir des bijoux en or 18 carats vraiment pas cher, rendez-vous au Manège à bijoux. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Relevé de prix réalisé sur échantillons représentatifs de bijoux concurrents en or 18 carats 750 millième et 9 carats 375 millième du 19 avril 2023 au 5 janvier 2024. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB+. Le DAB+, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique sans abonnement. Avec un poste de radio équipé DAB+, où que vous soyez, chez vous, en voiture, profitez d'une expérience radio unique et d'une qualité d'écoute optimale. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemble-pour-le-dab+.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai une super recette de jus d'orange pressé. Je vous écoute. Alors, 1. Vous sirotez tranquille un bon jus d'orange frais. Et 2. Vous regardez l'heure et vous réalisez que vous êtes carrément pressé. Pressé, mais pas en retard. Le filet de 2 kg d'orange Eco Plus à 1,95€, c'est du 30 janvier au 3 février chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 98 centimes le kilo, variété Naveline Lanolate, catégorie 2, calibre 5, 6, 6, 7 et 7, 8, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. En direct avec Karine de Terville qui nous dit « Avec le prix de l'électricité, il faut vraiment que je change mes vieux radiateurs. » Karine, les économies d'énergie, c'est par ici. En ce moment, chez Castorama, le radiateur programmable Avry 1000 watts de la marque Carrera est à 119€ au lieu de 149, soit 30€ d'économie. À ce prix-là, les économies d'énergie, c'est parti. Et oui, rendez-vous chez Castorama pour faire le plein de promos et d'idées pour relooker votre intérieur. Il y en a dans tous les rayons. Mais dépêchez-vous, c'est seulement jusqu'au 12 février. Castorama, changer nous fait avancer. IKEA. Qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. Profitez de notre offre de crédit affectée 10 fois sans frais, valable jusqu'au 31 août 2024. Pour tout achat entre 300 et 10 000 euros, après accord par CA Consumer Finance Prêteur, dont Sofinco est une marque. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations en magasin ou sur ikea.fr. Jazz Radio. 6h-10h sur Jazz Radio. C'est Matin Jazz avec Martin Parker. Jazz Radio, Jazz and Soul. Bienvenue sur Jazz Radio ce matin, je sais pas que vous êtes en forme, content de vous retrouver en tous les cas. partout en France. On est ensemble, vous le savez, de 6h jusqu'à 10h en direct, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh bien, on a le plaisir de vous offrir encore de jolis cadeaux, mais cadeaux pluriels, hein, si l'on est, puisque non seulement on vous offre la possibilité de gagner votre album dédicacé de Maë De Faïs, voilà, les a signés lors de son passage dans nos locaux il y a quelques semaines, là maintenant, eh bien, vous pouvez avoir un de ses albums, tout dernier album de Maë De Faïs, et franchement, vous allez adorer. Et puis, on vous offre également votre semaine Omer Vacances ce vendredi, ce sera demain, donc, hein, pour 4 à 6 personnes, une semaine en camping Village Vacances Omer. Vous profiterez de vacances en famille ou entre amis, vous choisirez parmi de nombreuses destinations en France. Vous allez pouvoir bénéficier de plein de services et d'activités sur place. Je vous rappelle qu'il vous reste une chance d'être sélectionné, ce sera tout à l'heure, vers 9h moins le quart. Pour cela, envoyez Jazz au 7-20-18. Un SMS suffit. Jazz au 7-20-18. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Les infos de Léa Dusson à 6h30. Et puis d'ici là, il y aura Judith Owen. Et là maintenant, c'est Al Jarreau, Roof Garden à 6h22. Jazz Radio. Jazz and Soul. Oh! Yeah! That's it. That's it. That's it. Tu te trouves pour tout quitter. That's it, baby. Come on. What's your mama gonna say? If you finally let your party like this guy. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? So Jazz Radio. Jazz and Soul. Now you've been complaining much too long. You're filled with misery. Now the world ain't so sad and things ain't so bad. At least it seems that way to me. Put on your bright red tie, slick back your hair, then knock on my door and we'll go from there. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. While the getting's good, good, good. I'm here to tell you, yes, I'm here to say, a little loving's guaranteed to chase your blues away. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. While the getting's good, good, good. Some like them tall. The bigger they come, the harder they fall. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. While the getting's good, good, good. Like north and south and east and west, all the world loves a lover, you know the rest. Come on. Come on and get it, honey. Come on and get it, honey. Why the getting's good, good, good. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Tomorrow might not come, but I do it today. Come on, I get it, honey. Come on, I get it, honey. Come on, I get it, honey. While the getting's good, good, good. Come on, I get it, honey. Come on, I get it, honey. Come on, I get it, honey. What the getting's good, good, good. Bienvenue sur Jazz Radio en ce début de journée. Il y aura dans un instant Chalamar, il y aura aussi Tony Bennett et puis l'horoscope de Stella dans les prochaines minutes. Il est 6h30. Jazz Radio. Bonjour Léa Duchon. Bonjour Martin, bonjour à tous. On fait le tour de l'actu, la mobilisation des agriculteurs se poursuit sur les routes. Une centaine de blocages sont recensés en France aujourd'hui. 91 agriculteurs ont passé la nuit en garde à vue après avoir été interpellés au marché de Rungis hier. Les blocages se poursuivent sur l'A7 près de Lyon, aux abords d'Orange et Avignon. La circulation est toujours coupée près de la capitale. Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus à Bruxelles en Belgique aujourd'hui pour le sommet de l'Union européenne. Mouvement de grève également grévant dans l'éducation nationale aujourd'hui. Les syndicats enseignants demandent de meilleures conditions de travail et plus de rémunération. Plusieurs dizaines d'établissements scolaires vont garder les portes fermées aujourd'hui. Des manifestations sont attendues à Paris, devant le ministère de l'éducation nationale, mais également à Marseille, Lyon, Toulouse ou encore à Nantes. Plusieurs changements sont à noter en ce 1er février, à commencer par le prix de l'électricité qui augmente aux alentours de 9%. Hausse des tarifs des péages, plus 3% en moyenne. Les paquets de tabac seront vendus entre 10 centimes et 1 euro plus cher selon la marque à partir de mi-février. On notera aussi la mise en place d'un processus simplifié pour le droit de succession et la hausse des salaires des chauffeurs VTC. La crise du logement s'aggrave en France. 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre, la fondation du même nom tire la sonnette d'alarme dans un rapport présenté aujourd'hui sur l'année 2023. Ce bilan fait état d'une année noire pour le mal-logement et pointe du doigt des insuffisances dans la lutte contre l'habitat indigne. La fondation recense plus de 8000 personnes sans solution d'hébergement la nuit, dont 2800 mineurs. On passe au sport avec du basket. Retour sur la 24e journée d'Euroleague qui s'est clôturée hier soir. Monaco s'est imposé face aux Partizan, défaite de Bologne contre Barcelone. La compétition européenne se poursuit ce soir. À suivre, le Real Madrid face à l'ASVEL à 20h45. Avant cela, Berlin accueillera Valence Basket et puis le Maccabi affrontera le Baskonia. La météo sur Jazz Radio. La moitié est de la France va se réveiller sous la grisaille et le brouillard. On attend aussi des averses au nord-est du territoire et du soleil sur le pourtour méditerranéen. Le mercure affiche 12 degrés à Nantes, 7 à Lyon, 9 à Amiens. Le soleil reviendra sur les côtes de la Manche cet après-midi. Ailleurs en France, ce sera de la grisaille avec quelques gouttes de pluie attendues sur la Bourgogne-Franche-Comté. Il fera 10 degrés à Auxerre cet après-midi, 9 à Lille, 18 à Montpellier, 11 degrés à Paris où vous nous écoutez sur le DAB+. Jazz Radio vous a présenté la météo. Jazz Radio. Merci Léa. Tout à l'heure à 7h, on vous accueille pour un prochain flash sur Jazz Radio. À tout à l'heure. Merci. Et on repart en musique comme premier avec la formation Chalamar. Gros succès des années 80. A Night to Remember. Jazz Radio. Jazz and Soul. When you love. Diaz Radio. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Jazz Radio, bonjour et bienvenue parmi nous. On va parler maintenant de rendez-vous qui vont vous intéresser. Festival Jazz Session à Colombier-Saunieu. Laissez-vous séduire par un week-end sur les ondes du jazz et de la soul. Et en plus, à prix plutôt accessible. Donc n'hésitez pas, il y a tout le programme directement sur jazzradio.fr. Et en effet, la mairie de Colombier-Saunieu propose un week-end musical autour de la musique jazz à quelques pas de Lyon, en fait. Vous allez adorer, vous qui êtes des passionnés ou des novices, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver Minor Singh, un quartet de jazz manouche, il y a le Brignier Big Band qui sera là pour interpréter son nouveau instrumental, et puis il y aura aussi Maestro Quintet avec trois artistes montpelliérains, et il y aura aussi Big Band de l'œuf qui sera présent. Retrouvez tout le détail sur jazzradio.fr. Dans un instant, Nala et les Brand New Heavies, et puis là tout de suite, voici l'horoscope de Stella sur Jazz Radio. Bonjour Stella. Bonjour à tous, voici votre horoscope. Les béliers, le bon côté de ce jour, c'est l'assurance de vivre de très bons moments amoureux. Les taureaux, ce sera moins évident pour vous avec l'obligation de faire avec des personnes au tempérament volcanique. Gémeaux, ce n'est pas mal pour vous, vos relations sont enrichissantes. Les cancers, à vous les finances, c'est un point pour faire votre petite trésorerie. Les lions, la lumière est mise sur votre petit nombril aujourd'hui. Vierge, vous reprenez des forces tout en vous occupant d'une personne qui souffre. Les balances, vous allez adorer vous retrouver en équipe. Les scorpions, ça risque d'être un peu tendu. Sagittaire, vous n'aurez pas envie que l'on vous fixe des limites. Les capricornes, il faudra éviter les rapports de force. Les Verseaux, soyez rassurés, on ira vous trouver pour vous faire des reproches ou au contraire vous dire qu'on vous aime. Et les Poissons, vous avez très envie de lui faire plaisir. Jazz, Jazz Radio, Jazz and Soul. Wouldn't I really chase girls? If we'd rather spend his nights playing kids. My baby baby, when I really heard a fly. He was pretending to be bad, but his eyes were so soft. He got my heart, buying me books, poetry, shit, and stupid looks. He was real sweet, fellow sweet. But we had to say goodbye. The ocean was a little wide. Years have passed, sometimes I was reminiscing about you and I. But today you broke my heart in half a second. Listen to him play for hours. He was gifted as hell. Said it for the first time, got myself drunk. I felt so dumb and it felt like a dream. Like a dream. Years have passed, sometimes I was reminiscing about you and but today you broke my heart in half a second. When I heard the newspaper, as the years went by, I was checking on you, knowing you were flying high. But today you broke my heart in half a second. Thank you. Jazz Radio, The Brand New Heavies, juste à l'instant, le jazz et les comptines, une grande histoire d'amour. Je vous invite à les découvrir sur le pont d'Avignon, directement sur jazzradio.fr. Donc c'est plutôt original, hein, c'est vrai. Des chansons chantées pour endormir les enfants, pour les amuser, dans chaque pays évidemment. Et donc pas étonnant de voir le jazz s'y intéresser. C'est à découvrir sur jazzradio.fr. Jazz Radio. Jazz and Soul. Mi said Deo, daylight come and me won't go home. Mi said Deo. Daylight come. And me want go home. Work all night till the morning come. Till I come and me wanna go home. Stack banana till the morning come. Till I come and me wanna go home. Come Mr. Tallyman, tally the banana. Mr. Tallyman, tally the banana. Did I come and me wanna go home? Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Did I come and me wanna go home? Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Did I come and me wanna go home? Sing me day, oh, day, oh. Did I come and me wanna go home? I sing. Bunch, a ripe banana. Did I come and me wanna go home? Say in their hide the deadly black tarantula. Did I come and me wanna go home? Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Did I come and me wanna go home? Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Jazz Radio, bon début de matinée avec nous. Vous partez au boulot, mais écoutez, bon courage. Si vous voulez retrouver les titres diffusés sur l'antenne, eh bien vous connectez directement sur jazzradio.fr. Vous avez le petit player, là, du coup, c'est affiché en temps réel. Sinon, vous pouvez retrouver les titres en allant sur jazzradio.fr, rubrique info, sous-rubrique titres diffusés, pour accéder à toutes nos playlists. Hein. Ça marche évidemment sur le programme Jazz Radio et sur toutes nos web radios également. À 7h, le retour de Léa Dusson pour le prochain point sur l'actu. En attendant, bah merci à vous de nous écouter ce matin à Chalon-sur-Saône, à Lille ou encore à Metz sur le DAB+. Les infos dans quelques minutes. Et bon réveil. Jazz Radio à Lorient, 107.7. Pour retrouver toutes les fréquences FM et DAB+ du réseau Jazz Radio en France et à Monaco, rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr. Jazz Radio, Jazz and Soul. Mesdames et messieurs, Dernier appel pour nos offres 90 ans. Jusqu'au 1er février, découvrez nos plus beaux prix avec le rendez-vous Air France et envolez-vous pour 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple Fort de France, à partir de 549 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarifs TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 13 mai au 30 juin 2024. Avec les soldes de But, on peut dire que l'année commence bien. Troisième démarque des soldes chez But. En ce moment, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits. Et encore mieux, moins 10% de réduction supplémentaire sur les articles déjà soldés. Dans la limite des stocks disponibles, conditions en magasin et sur but.fr. À tous ceux qui tentent de résoudre le mystère de la chaussette disparue. Un témoin affirme vous avoir vu hier avec deux chaussettes à rayures. Aujourd'hui, aucune trace de la chaussette gauche. J'espère que vous avez un bon alibi. Et à ceux qui mènent encore l'enquête, en ce moment chez Intermarché, profitez d'une sélection de produits entretien et beauté 100% remboursés en deux bons d'achat. Remboursés ! Remboursés ! Remboursés ! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 février, sur présentation de la carte de fidélité, des 20 euros d'achat sur une sélection de produits. Modalités sur intermarché.com. Vous la connaissez, votre copine Lisa ? Elle vous dit « Oh non, j'ai pas trop faim ». Puis elle mange la moitié de votre pizza. Alors grâce à l'offre « Un plat acheté, un plat offert » sur Deliveroo, vous lui prenez une pizza rien que pour elle. Et elle la dévore. Et comme vous la connaissez, Lisa, vous vous retenez de lui dire « Eh ben tu vois, je te l'avais dit ». En ce moment, retrouvez toutes nos offres « Un plat acheté, un plat offert » sur l'app. Deliveroo, toutes les adresses à votre porte. Offre disponible selon les conditions des restaurants participants près de chez vous sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Passer au vélo électrique ? Je suis partante. C'est mon budget qui n'est pas encore prêt. Alors jusqu'au 6 février chez Decathlon, pendant les soldes, le vélo de ville électrique Neomove Sinapia est à 999 € au lieu de 1849, soit 850 € de réduction. Et en plus, il vous fait profiter de 150 € en 4 bons d'achat. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année. Soldes selon date légale et dans la limite du stock disponible. Offre bon d'achat valable pour les membres du programme de fidélité Decathlon. Conditions en magasin et sur decathlon.fr. Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à trouver des baskets pour toute la famille, parce que vous seul avez le pouvoir de trouver les bons plans, ah bah c'est comme ça. Alors vous êtes prête à profiter de notre grand choix de sneakers à petit prix. Plein de styles, de couleurs, de grandes marques pour se balader, boire un verre ou chiller devant une série. Non, parce que le sport, ça les abîme vachement. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai une super recette de jus d'orange pressé. Je vous écoute. Alors, 1, vous sirotez tranquille un bon jus d'orange frais. Et 2, vous regardez l'heure et vous réalisez que vous êtes carrément pressé. Pressé, mais pas en retard. Le filet de 2 kg d'orange Eco Plus à 1,95 €, c'est du 30 janvier au 3 février chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 98 centimes le kilo, variété Naveline Lanolat, catégorie 2, calibre 5, 6, 6, 7 et 7, 8, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Un message de Clem de Nantes, fini la robinetterie qui fuit dans ma salle de bain. Des bons plans pour enfin la remplacer? Justement Clem, en ce moment chez Castorama, il y a moins 15% sur la robinetterie salle de bain en Sgroé. Mitigeur, colonne et pommeau de douche, tu trouveras forcément ton bonheur. Moins 15% sur la robinetterie en Sgroé? Je peux pas rater ça. Et oui, jusqu'au 12 février chez Castorama. Castorama, c'est l'opération La Salle de Bain à petit prix, avec plein de promos pour relooker votre salle de bain et aussi toutes les pièces de la maison. Castorama, changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Renault. La voiture électrique ne doit pas être réservée à une élite. Renault s'engage dans le dispositif Mon Leasing Électrique, avec Renault Mégane E-Tech 100% électrique à 150 € par mois, sans apport. Mégane E-Tech électrique neuve, équilibre autonomie urbaine, AC7 hors option. Elle est des 37 mois, 37 500 km. Premier loyer 0 € après déduction bonus éco et aide Mon Leasing Électrique. Conditions sur service-public.fr et mon-leasing-électrique.gouv.fr. Réservé aux particuliers du 1er au 29 février si à Cordiac, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Saviez-vous que la loi interdira bientôt les promotions de plus de 34% sur les lessives ? Alors profitez-en ! Les grosses promos chez Auchan, c'est maintenant ou jamais. Jusqu'à lundi, cagnottez 80% sur la boîte de 39 capsules de lessive Ariel Pots Plus grâce à votre carte Waouh. Soit 4,20 € cagnotte déduite et seulement 11 centimes par lavage. Alors filez vite faire vos courses chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 20,99 € prix payé en caisse, soit 20,95 € le kilo. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Comment bien choisir l'alimentation de son chien ou de son chat? Vos experts Gamme Vert vous conseillent de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale dans leurs croquettes. Et ça tombe bien! Jusqu'à samedi chez Gamme Vert, profitez de moins 40% sur le deuxième sac d'alimentation identique chien ou chat. Moins 40% jusqu'à samedi seulement. Gamme Vert, l'autoproduction est l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr.

La météo sur Jazz Radio. C'est le retour de la grisaille aujourd'hui sur la quasi-totalité de la France avec des averses des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. On a du brouillard aussi hein, sur toute la moitié ouest. Seul le pourtour méditerranéen va profiter du soleil ce matin. Il fait 8 degrés à Strasbourg et Nice, 11 à Rennes. Cet après-midi, le soleil se montrera à nouveau sur les côtes de la Manche. Et puis le temps restera gris ailleurs en France. On atteindra les 19 degrés à Perpignan, 11 à Limoges, 11 degrés également à Reims où vous nous écoutez sur le 93.7. Jazz Radio vous a présenté la météo. Jazz Radio. 6h-10h sur Jazz Radio, c'est Matin Jazz avec Martin Parker. Jazz Radio, Jazz and Soul. Allez, du son, merci. On se retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau point sur l'actu. J'ai une petite anecdote cinématographique pour vous. Allons-y. Vous connaissez Tom Holland ? Oui. Spider-Man. Bien sûr. Spider-Man. Eh bien, il y a Tom Hollander, qui lui est un acteur anglais, qu'on a vu notamment dans Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, dans plusieurs épisodes d'ailleurs de Pirates des Caraïbes. Bref, il a reçu il y a quelques jours un mail de la part du box-office en lui joignant une fiche de paye et un chèque de plusieurs millions de dollars. Ils s'étaient trompés. Absolument, ils se sont trompés. Et ils ont envoyé à Tom Hollander au lieu de Tom Holland. Du coup, à deux lettres près. Ouais, c'était à ça, c'est passé. Mais lui, du coup, il a trouvé ça plutôt drôle. Donc, il en parle partout dans les réseaux. Bon, comme quoi. Hein. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous confond jamais avec personne, vous ? Non. Vous êtes unique, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas. Aussi, bien sûr, voilà, je vous confirme. Peut-être qu'il y a une autre Léa Dusson quelque part, je ne sais pas. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, 7h04 à la suite avec Diana Krall sur Jazz Radio. Bon réveil. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. Of love, it's saying so much more than just words could ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you. soul. Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand, even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying to yourself. You pretend and you try to hide from the cards that you've been dealt. Jazz Radio, Jazz and Soul. Grab your coat and get your hat. Ooh, ooh, ooh. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Oh, oh, oh. Step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid of this rover. With those blues on parade. Right, I'm not afraid of this rover. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side. Oh, C'est Jazz Radio avec The Golden Gate Quartet. Juste à l'instant, comment allez-vous ce jeudi? Nous sommes le 1er février aujourd'hui et dans 15 jours, un peu moins maintenant, 14 février, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il paraît qu'il y a la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin. Alors pour ceux qui sont évidemment célibataires, ce sera la Saint-Valentin, bien sûr. Rien ne vous empêche de vous faire un petit plaisir, hein, quand même, petite boîte de chocolat, un petit bijou pour soi-même, ça peut toujours le faire également. Mais en tous les cas, si vous êtes accompagné, eh bien, sachez que la petite attention fera quand même un petit plaisir quand même, forcément. Parce que si vous arrivez les mains vides, voire même si vous oubliez complètement cette fête et que vous pointez à la maison, t'as rien oublié ? Non. Ah si, oh la boulette, la Saint-Valentin, bon anniversaire. Eh bien, vous risquez d'aller dormir avec le chien, dans le meilleur des cas. Bon, pensez-y en tous les cas, il reste 15 jours pour se préparer. 32e jour de l'année, aujourd'hui jeudi 1er février. Bonne fête au Hela, au Viridiana, au Ignace. Et on dit que la veille de la Chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. Notez les anniversaires de quelques personnalités qui, comme vous, prennent un an de plus en ce 1er février. On pense à Jean-Marie Perrier, photographe, 84 ans. On pensera aussi à Stéphanie de Monaco, 59 ans aujourd'hui. Anne-Claire Coudray fête ses 47 ans. Et puis Marie-Lou Berry fête ses 41 ans aujourd'hui. Enfin, dans le rétroviseur le matin, c'était en 1893, le premier studio de cinéma du monde est construit pour un coût d'environ $650 par un certain Thomas Edison, près de son laboratoire de West Orange dans le New Jersey. C'était vraiment un génie, hein, ce Thomas Edison. Et dans un instant, on est de retour avec Marlena Shaw sur Jazz Radio, 7h15. Entrez maintenant dans l'univers du jazz avec jazzradio.fr. Retrouvez sur jazzradio.fr toute la programmation musicale, les agendas concerts ville par ville, les meilleures vidéos jazz and soul, les news, la sélection nouveautés et classiques de la playlist Jazz Radio, l'équipe d'animation, les derniers jeux concours, les fréquences FM et DAB+ du réseau Jazz Radio, l'horoscope du jour, un choix de plus de 25 web radios thématiques. Rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr. Jazz Radio, Jazz and Soul. Hey Ramsès, chez Feu Vert, si t'achètes une ampoule, la deuxième est 100% remboursée. J'ai pensé à un nom de promo super, l'ampoule 2, le retour. On parle de pouvoir d'achat, pas du chat. Ah. En ce moment, pour une ampoule ou un coffret d'ampoule acheté, le deuxième est 100% remboursé. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Offre de remboursement différée sur une sélection de produits. Modalité sur feuvert.fr. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center ? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée ? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1000 euros d'économies sur une sélection de canapés cuir ou tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. Comme le liquide vaisselle PEC pour seulement 1,29€. Quoi ? C'est vraiment pas cher. Et le t-shirt Jack Parker fabriqué à partir de coton responsable pour seulement 2,98€. Sais-tu que nous achetons uniquement du coton responsable ? Waouh ! Responsable et pas cher. Pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli Action, petit prix, grand sourire. Leclerc, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Aurore et j'ai 5 ans. Je peux avoir des Lulu l'ourson pour le goûter ? Bien sûr, mais... Promis. Promis, je partage avec mes copines. C'est bon, madame. Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit d'être gourmands. Du 30 janvier au 10 février chez Leclerc, pour l'achat d'un lot de 2 paquets de biscuits Lulu l'ourson, fraises ou chocolat, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Mesdames et messieurs, dernier appel pour nos offres 90 ans. Jusqu'au 1er février, découvrez nos plus beaux prix avec le rendez-vous Air France et envolez-vous pour 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple New York, à partir de 399€ au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 12 février au 5 mai 2024. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elle est à 1,49€. La barquette de mâche ? Eh oui, en ce moment, la barquette de 150 grammes de mâche grande feuille est bien à 1,49€. Ils sont encore et toujours moins chers que nous, là je vais me fâcher. Ok, vous ne mâchez pas vos mots, mais c'est le vrai prix hein, de cette mâche, moins d'1,50€ et origine France. Là, on est mâchement mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,90€ le kilo. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Ford Pro. Mélodie, devinez ce que c'est. C'est des clés, patron. Ah oui, merci, Benodier. Bah, de rien, patron. Non, mais des clés de quoi? Les clés du Transit Custom. Mais pas du tout, Benodier. Ah. Ce sont les clés du nouveau Transit Custom. Rien à voir. Ah bah oui, enfin, bah non. Rien à voir. Le nouveau Ford Transit Custom est disponible dès maintenant, équipé du meilleur de la technologie Ford pour booster votre productivité. Nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Ah, vous avez entendu, Benodier. Rien à voir. Ford Pro. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. À ceux qui n'ont que des plats ronds et qui du coup ne font que des gratins ronds. À ceux qui n'ont que des plats carrés et qui du coup ne font que des tartes carrées. Et à ceux qui n'ont qu'un seul plat et qui du coup doivent choisir entre le gratin et la tarte. Pour réussir tous vos plats, Intermarché vous offre jusqu'à 70% de remise immédiate sur une collection de plats de cuisine Mastrad en collectionnant les vignettes. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 31 mars, 10 euros d'achat égale une vignette. Modalité sur intermarché.com. Avec les soldes de But, on peut dire que l'année commence bien. Troisième démarque des soldes chez But. En ce moment, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits. Et encore mieux, moins 10% de réduction supplémentaire sur les articles déjà soldés. Dans la limite des stocks disponibles, conditions en magasin et sur but.fr. Mais où peut-on trouver du dentifrice Oral-B en promotion? Ah, ça c'est une promo qui brille. Oui, on peut dire ça. Bon, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com jusqu'au 11 février pour profiter de 50% de remise sur le dentifrice Pro Expert Oral B, soit 3,75€ le lot de 2 au lieu de 7,50€. Et le jeudi 1er février, bénéficiez de 20% de remise en plus. U, commerçant autrement. Le lot de 2, soit 150 ml, 25€ le litre. Offre disponible sur courseu.com pour un retrait le jeudi 1er février. Valable dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. L'autre jour, je faisais mon quintet plus. Et là, le patron me dit: tu devrais essayer la nouvelle option, Max. Ah non. Moi, c'est Alex, tu réponds. Non, l'option max pour multiplier tes gains. J'essaye et bim, je multiplie mes gains par 10, quoi. Lui, il peut m'appeler Max quand il veut. Avec la nouvelle option max du Quintet Plus, pour 1€ de plus, vous pouvez multiplier vos gains jusqu'à 10 fois. PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Carrefour. Si je vous dis qu'avec 90% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, le pack XXL de 90 tablettes lave-vaisselle Sun revient à 1,67€, soit 2 centimes la tablette seulement. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Prix payé 16,68€ les 1,5 kg, soit 11,12€ le kilo. Détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Plus de temps à perdre pour profiter de jusqu'à moins 70% chez Conforama. Eh oui, ce sont les derniers jours des soldes. Alors vite, venez vous faire plaisir en magasin. Conforama. Selon date des soldes et dans la limite des stocks, voir conditions sur conforama.fr. Jazz Radio. 6h-10h sur Jazz Radio, du lundi au vendredi, c'est Matin Jazz avec Martin Parker. Jazz Radio, Jazz and Soul. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun. Gonna grab a hold on you, California. Merci d'avoir choisi Jazz Radio pour commencer votre journée. Alors aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, c'est jeudi, c'est bien. Ça veut dire que demain, on se rapproche tout doucement du prochain week-end. Ça fait plaisir. Extrait de l'album The Spice of Life, sorti en 1969. On l'écoutait à l'instant sur des arrangements de Richard Evans et de Charles Stefney. C'était Marlena Shaw, donc avec California Soul. Il y aura dans un instant Léa Dusson pour le retour de l'actu, et puis le rappel des conditions météo. Et puis, allez, dans une petite demi-heure à peine, vous retrouverez Stella cette fois-ci. Ce sera pour votre rendez-vous de l'horoscope. Bon, il vous reste une seule possibilité aujourd'hui d'être présélectionné pour le tirage au sort à 4 de demain vendredi, avec à la clé non seulement une belle opportunité de gagner votre vacances, vos prochaines vacances en famille avec Omer Vacances, une semaine pour vous, en mobilhome, ça va être super sympa. Et puis aussi l'album dédicacé de Maë de Faïs, qui est à gagner en ce moment, tous les jours d'ailleurs. Allez, envoyez Jazz par SMS au 72018. Jazz au 72018. Barton Baker et Ashley Slater, c'est maintenant. Jazz Radio. Jazz. Jazz. And soul. Love me now.